Le mot pour dire pourquoi est por qué. Por qué, en deux mots. Littéralement, pourquoi. Por qué, avec un accent aigu sur le E. C'est pourquoi. Por qué s'utilise aussi pour répondre, pour dire parce que. Mais, dans ce cas, il s'écrit en un seul mot et sans accent. Donc, pourquoi cela n'est-il pas possible? Por qué no es posible? Très bien. Por qué no es posible?